Bismillah, la louange est à Allah, nous le louons, implorons son aide et lui demandons pardon, et nous nous protégeons auprès de lui du vice de nos personnes et de nos mauvaises actions. Celui qu'Allah guide, point d'égarement pour lui, et celui qui l'égare, point de guidé pour lui. Et je témoigne qu'il n'y a pas de divinité digne d'être adorée si ce n'est Allah, l'unique, sans associé. Et je témoigne que Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, est son esclave et messager. Nous continuons, Inch'Allah, dans les notions indispensables pour chaque musulman et nous entrons dans le chapitre suivant qui s'intitule « Les catégories du Tawhid ». Les catégories du Tawhid. Donc, en réalité, il n'y a qu'une seule catégorie du Tawhid, c'est l'unicité d'Allah, c'est le fait d'unifier Allah absolument dans tous les domaines. Mais les savants de l'islam, ils ont divisé le tawhid en trois catégories et ceci n'est pas une innovation, mais ils l'ont fait pour simplifier la compréhension aux musulmans. Donc ils l'ont fait pour simplifier la compréhension aux musulmans. La première catégorie que les savants de l'islam ils ont citée, c'est l'unicité d'Allah dans la seigneurie. L'unicité d'Allah dans la seigneurie. La seigneurie, donc, c'est le fait de savoir et croire qu'Allah, il est le seul capable de créer. Le fait de savoir et de croire qu'Allah est le seul qui est capable de pourvoir aux besoins des créatures, c'est le seul qui est capable de gérer l'univers. Et il faut savoir que les polythéistes, à l'époque du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il reconnaissait cette unicité-là. Il reconnaissait le tawhid de la seigneurie d'Allah. Mais cela n'a pas fait d'eux des musulmans pour autant. Parce qu'ils faisaient le shirk dans l'adoration. Allah, il nous dit dans son livre, « Et si tu leur demandes qui les a créés, ils diront très certainement Allah. » Et Allah a dit aussi, « Et la plupart d'entre eux croyant Allah, tout en lui donnant des associés. » Donc l'unicité de la seigneurie, c'est aussi le fait de savoir et de croire avec science et certitude que la création et le commandement n'appartiennent qu'à Allah et qu'Allah n'a pas d'associés dans la création et dans le commandement. C'est-à-dire Allah est le seul créateur et il n'y a pas de créateur en dehors de lui et le commandement n'appartient qu'à lui, la royauté n'appartient qu'à lui. Ce commandement, comme on l'a dit plusieurs fois dans d'autres cours, il est cosmique et législatif. Cosmique dans le sens où tout se passe selon la volonté d'Allah. Allah est le créateur de toutes choses. Il sait ce qu'il a créé et il a voulu le créer. Et tout se passe selon sa volonté à lui, le créateur des cieux et de la terre. Et il y a aussi le commandement législatif, c'est-à-dire celui qui est le créateur des cieux, de la terre et des humains, lui seul a le droit de mettre en place une charia, c'est-à-dire une législation que les gens vont suivre. Et là-dedans, Allah il n'a pas d'associé. Allah a dit, et il n'associe personne à son commandement. Donc le commandement d'Allah est unique et tout autre commandement que le sien est un associé au commandement d'Allah et un associé à Allah est un taghout. C'est bien cela le taghout. Ensuite, la deuxième forme de l'unicité que les savants de l'islam ils ont citée, ils ont dit qu'il s'agit de l'unicité des noms et des attributs. L'unicité des noms et des attributs. Tawhid al-asma wa sifat. C'est le fait de décrire Allah de la même manière qu'il s'est décrit lui-même dans son livre et de la même façon que l'a décrit son prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et la troisième catégorie que les savants ont dit, c'est l'unicité de divinité, Tawhid al-Uluhiyya. Là, il s'agit de vouer sincèrement l'adoration à Allah, l'unique qui n'a pas d'associé, quel que soit le type d'adoration. Et parmi les adorations, il y a notamment l'amour, il y a la crainte, il y a l'espoir, la confiance, l'invocation, la prière, la zakat, le sacrifice et des autres. Et c'est justement cette forme-là d'unicité dans laquelle cette forme-là d'unicité qu'ont contredit beaucoup de polythéistes, malgré le fait qu'ils croyaient en un Seigneur et en un Créateur. Parce que quand nous disons que quelqu'un est un polythéiste ou quelqu'un est un mécréant, nous ne disons pas par là qu'il ne croit pas en l'existence d'un Créateur. Ça, nous ne pouvons pas le savoir. Allah le sait. Est-ce qu'il croit? Est-ce que la personne donnée, elle croit en un Créateur? Quand nous disons qu'elle est un polythéiste, c'est parce qu'elle a fait un acte de polythéisme. Et celui qui pratique le polythéisme, il n'est pas monothéiste, parce que les deux sont l'opposé l'un de l'autre et ne peuvent pas coexister. Tout comme une personne ne peut pas être grande et petite à la fois, tout comme une chose ne peut pas être chaude et froide à la fois, et d'autres opposés qui ne peuvent pas coexister. Soit c'est l'un, soit c'est l'autre. Ensuite, nous passons maintenant à ce qui s'oppose à l'unicité. Donc là, on a expliqué l'unicité. On peut aussi citer, par exemple, l'unicité d'Allah dans son être. Qu'est-ce que l'unicité d'Allah dans son être? C'est le fait de croire que l'être d'Allah ne ressemble pas à notre être à nous. C'est-à-dire, Allah ne ressemble pas à ses créatures. Il est différent de ses créatures. Et nous ne pouvons pas imaginer comment est Allah. Il est différent des créatures. Le Créateur est différent de ce qu'il a créé. Maintenant, donc, on passe aux différents types de polythéisme. Le polythéisme, il est divisé aussi en trois catégories. Il y a le polythéisme majeur, il y a le polythéisme mineur et il y a le polythéisme caché. Walaykoum salam wa rahmatullah. Le polythéisme majeur, c'est la forme de polythéisme qui implique nécessairement l'annulation de tous les actes et la résidence en enfer. Allah a dit, mais s'ils avaient donné à Allah des associés, alors tout ce qu'ils auraient fait eût certainement été vain. Je répète un verset qui fait peur. S'ils avaient donné à Allah des associés, alors tout ce qu'ils auraient fait eût certainement été vain. Allah a dit aussi, il n'appartient pas aux associateurs de peupler les mosquées d'Allah, vu qu'ils témoignent contre eux-mêmes de leur mécréance. Voilà ceux dont les œuvres sont vaines et dont le feu ils demeureront éternellement. Sourate At-Tawbah, verset 17. Allah a dit aussi, certes, Allah ne pardonne pas qu'on lui donne quelques associés, à part cela, il pardonne à qui il veut. Et Allah a dit dans un autre verset aussi, quiconque associe à Allah d'autres divinités, Allah lui interdit le paradis et son refuge sera le feu et pour les injustes, pas de secoureur. Donc dans le dernier verset ici que j'ai cité, nous avons vu que Allah, il nous informe, il nous donne une généralité lorsqu'il nous dit quiconque. Ça veut dire que ce jugement, il concerne toute personne. Et pour sortir de ce jugement général, un cas particulier qui n'est pas concerné par ce jugement général, il faut apporter une preuve du Coran ou bien de la Sunna ou bien de l'unanimité des savants. Et celui qui n'apporte pas une telle preuve et qui affirme qu'une personne donnée ou qu'un cas particulier donné échappe à cette règle générale, alors qu'il n'a pas de preuve avec laquelle appuyer ce qu'il dit, alors dans ce cas-là, il est certainement parmi les égarés. Ensuite, nous passons au polythéisme mineur. C'est tout acte qui a été décrit comme étant un acte de polythéisme dans les textes du Coran ou bien de la Sunna, mais il n'atteint pas le degré du polythéisme majeur. Wa alaykoum salam wa rahmatullah. Par exemple, je vous donne un exemple. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, Ce que je crains le plus pour vous est le polythéisme mineur. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, ce que je crains le plus pour vous est le polythéisme mineur. Alors, il a été questionné de quoi il s'agit en réalité et il a dit, il s'agit de l'ostentation. Et ce hadith, il est rapporté par l'imam Ahmed At-Tabarani d'après Mahmoud ibn al-Abid al-Ansari, qu'Allah l'agrée, selon une bonne chaîne de transmission. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a aussi dit, quiconque jure par autre chose qu'Allah a commis un acte de polythéisme. Ce hadith il est rapporté par l'imam Ahmed selon une bonne chaîne de transmission d'après Omar ibn al-Khattab radiallahu anhu. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a aussi dit, ne dites pas ce qu'Allah et un tel veulent, mais dites plutôt ce que Allah puis un tel veulent. Et ce hadith, il est rapporté par Abu Dawud selon une bonne chaîne de transmission d'après Hudayfa ibn al-Yaman. Donc ce type de polythéisme-là, c'est-à-dire le polythéisme mineur, il n'engendre ni l'apostasie, ni l'éternité en enfer. Mais il s'oppose à l'accomplissement obligatoire du tawhid, et non à l'accomplissement nécessaire du tawhid. C'est-à-dire l'accomplissement nécessaire pour être un musulman. Il s'oppose uniquement, si je peux dire, uniquement à l'accomplissement obligatoire qui est d'un niveau, si on peut comparer le niveau de l'islam, ensuite on passe à Al-Iman et ensuite à Al-Ihsan. Donc, ce polythéisme, comme on a vu, c'est-à-dire l'ostentation, le fait de jurer par autre qu'Allah, ou bien le fait de dire ce que Allah et un tel veulent, eh bien, en apparence, on voit qu'il s'agit de shirk. Mais quand on rassemble tous les textes du Coran et de la Sunna, qu'est-ce qui a permis aux savants de déterminer que ce polythéisme-là ne fait pas partie du grand polythéisme, malgré le fait qu'en apparence, il a été dit shirk, et donc en apparence, il s'agit du grand polythéisme? Tout simplement, on voit dans les autres textes qu'il est possible de rester musulman tout en commettant ce genre de polythéisme. Ce qui a amené les savants à dire que ceci est du petit polythéisme, c'est-à-dire du polythéisme mineur qui ne fait pas sortir son auteur de l'islam. Quant aux autres formes de polythéisme, c'est-à-dire le polythéisme majeur, il n'y a aucune preuve dans le Coran ou bien dans la Sunna ou bien dans l'unanimité qui vient et qui affirme que celui qui commet un tel acte, il reste dans la sphère de l'islam. Au contraire, il y a l'unanimité des savants que celui qui donne un égal à Allah, c'est-à-dire qui commet le polythéisme majeur, il a quitté la religion de l'islam et il n'est pas un musulman. Parce que le musulman, c'est celui qui accomplit l'islam. Et l'islam, c'est quoi? C'est que tu adores Allah l'unique sans lui donner d'associé, comme a dit notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. C'est pour cela que celui qui n'adore pas Allah l'unique ou qui lui donne un associé, il n'est pas un musulman. Parce qu'un musulman, il est soumis avant tout au monothéisme. Et la dernière catégorie du polythéisme, c'est le polythéisme caché. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, « Vous informerai-je de ce qui m'est plus effroyable pour vous que le faux Messie ?» Et les compagnons, ils ont répondu, « Et comment ?» Et il a dit, sallallahu alayhi wa sallam, « Il s'agit du polythéisme caché. C'est lorsque l'individu embellit sa prière en raison du regard que porte autrui sur lui. » Ce hadith, il est rapporté par l'imam Ahmed dans son Mousnad, d'après Abu Saïd al-Khudri radiallahu anhu. Donc le prochain cours, on a terminé Inch'Allah, et le prochain cours Inch'Allah, il va porter sur la prière. c'est-à-dire les piliers de la prière, les conditions de la prière, les obligations de la prière et les annulations de la prière. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.